Le comité central de l'Union de la jeunesse kim-suniste, Kim Jong-liste, a lancé le 16 septembre à tous les jeunes coréens de l'intérieur et de l'extérieur un appel qui dit notamment « La tâche pour la réunification nationale, précisée par le respecté maréchal Kim Jong-un, vénéré par le monde entier, à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, en éclairant la voie au mouvement de la jeunesse coréenne, est le guide de programme qui permet aux jeunes coréens de remplir la mission sacrée devant l'époque et l'histoire, à la tête de la lutte sacrée patriotique, pour mettre un terme aux souffrances dues à la division de longue date et édifier une puissance réunifiée, prestigieuse et prospère. » En avant, les jeunes coréens vers l'avenir radieux de la puissance de la jeunesse réunifiée. En portant ce slogan, les jeunes coréens doivent remplir la mission sacrée pour le pays et la nation. Les jeunes doivent honorer toujours le respecté camarade Kim Jong-un, commandant prestigieux du Baekdu, patriote sans égal, guide de la réunification de la patrie et grand dirigeant du mouvement de la jeunesse coréenne. Porter haut le drapeau de l'indépendance nationale et de la grande union nationale, faire preuve du patriotisme pour l'unité nationale et ouvrir une large voie à la réunification de la patrie. Les jeunes sont tenus de considérer toujours la triple charte pour la réunification de la patrie et les déclarations communes Nord-Sud de portée historique comme grand programme pour opérer à la tête un tournant nouveau dans l'amélioration des rapports Nord-Sud et dans l'effort pour l'unité nationale. Il faut enrayer les menées de provocation d'une guerre d'agression des États-Unis et de leurs suivistes qui cherchent à précipiter la nation coréenne dans les horreurs d'une guerre nucléaire et lutter avec plus de courage pour l'indépendance anti-américaine, la démocratisation antifasciste en Corée du Sud. Les jeunes compatriotes de la diaspora doivent garder la fierté de la nation coréenne prestigieuse et contribuer activement à l'œuvre sacrée pour la réunification indépendante de la patrie et la prospérité de la nation. Enfin, l'appel a proposé respectueusement de tenir un grand rendez-vous des jeunes coréens pour la réunification, qui sera honoré de la présence des jeunes du Nord, du Sud et de la diaspora et de leur formation, pour promouvoir avec plus de vigueur le mouvement en faveur de la réunification de la patrie, conformément à l'aspiration de tous les compatriotes attachés à la réunification, et affirmer que rien n'est impossible et que la victoire finale de la réunification nationale est certaine si tous les jeunes coréens, troupes la plus active de la nation, s'engagent dans la lutte.